Je suis comme ce nuage, j'attends dans le ciel. Embouteillé, j'attends ma part de soleil comme si elle m'était promise, comme si ma patience devait faire l'objet d'une récompense. Je suis comme cette mer, j'attends le ventre grouillant d'écume de créatures ondulantes. J'attends qu'on me traverse comme si j'étais l'unique voie pour que tu atteignes le nirvana. Je suis comme cette plaine, j'attends, étendu sur le dos, que les fleuves tracent leur route, comme des veines sous la peau qui transportent le dioxygène, où que tu respires. Je suis comme ce vent qui dérange, transparent, les feuilles bancales et cheveux défaits, qui s'essouffle et caresse la peau tendue sur la beauté pour que tu t'apaises. Je suis comme ce ciel, je domine sans juger, je couvre et je protège, léger comme l'air qu'il compose, des symphonies d'amour pour que tu sois heureuse. Je suis comme cette terre, j'attends la surface placide, je recouvre toutes les morts. J'attends que perce ma peau des fleurs pour être beau, pour que tu m'aimes à nouveau.